Exercice 1, page 28. A. Il l'emmène en moto. B. Il l'emmène en moto. C. Elles conduisent une voiture. D. Ils prennent un bus. E. Ils viennent à pied. F. Ils vendent une moto. G. Ils prennent un train. H. Elles rentrent en métro.